tu attendais. Mais si tu devais partir, sache bien que j'en mourrais. Mon amour, un jour sans toi, c'est un jour tout gris. Le soleil me laisse pas.